Pourquoi ça? Pourquoi lui? Tant de dégâts, lui, si gentil. Trop de souffrance, de dépendance. Trop de pudeur, de négligence. Pourquoi toi? Pourquoi ça? Me confier ça, j'ai rien vu venir, je savais pas. J'aurais pu faire un premier pas. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un cancer? Cet animal infatigable, il nous choisit au creux de la vague. Lorsqu'on s'abandonne à la guerre, j'aurais aimé t'accompagner. Mieux que je l'ai fait, proche encore. J'aurais aimé te materner, plutôt peut-être. Que